الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. On rappelle toujours dans notre base, c'est la religion de l'islam, et que tous les prophètes étaient des musulmans, et que l'islam aura tout. Et la deuxième base, c'est l'obéissance du prophète, c'est-à-dire que chaque communauté doit obéir à son prophète. Et nous, on doit obéir à notre prophète, nous avons envoyé avant toi de prophètes que le professeur Sankin, quand il était envoyé, il a été envoyé à tout le monde, à toute la terre, à tous les gens de à tout le monde. Donc, il est venu avec sa da'wa qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut le connaître avec ses noms, le connaître avec ses attributs, et que c'est lui le créateur pour adorer. Le fait que lui il est créateur et que lui il gère tout, ça c'est ce qu'on appelle tawhid. On se dirige toujours vers lui. Lui qui crée, lui il a fait pleuvoir, lui il a fait, il a dirigé, il contrôle l'univers. Et quand on parle de l'honorer, on dit nous, à nous de l'adorer, à nous de se prosterner devant lui, à nous de se soumettre à lui, à nous d'obéir à ses lois, à nous, à toujours. Et c'est ça qui a fait le plus grand, c'est-à-dire le petit là. Et la souffrance a été de ce côté, dans l'adoration. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il leur a dit qu'il n'y a qu'un seul Allah qu'il faut adorer. Il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut détester pour Allah et aimer pour Allah. C'est voilà ou le bar. Se désavouer des autres divinités. Jeter les autres divinités. Se désavouer des lois qui ont été mises par les croyants. Et c'est ça qui a créé le conflit. Le conflit, il a été créé à partir de Bilal quand il a souffert, Khabbab ibn al-Arab quand il a souffert. C'était ça, de n'adorer qu'un seul Allah. Je jette toutes les idoles, je n'obéis pas à vos lois, je vous désavoue, je n'aime qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où vous dites la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, je vous suis, je vous aime pour Allah. D'accord? Et c'est ça qui a fait l'adoration. Les mushrikines, les associateurs, et en général, les associateurs, ils croient qu'Allah est le créateur. Ça, c'est dans leur fait, la part prime nature, ils croient qu'il dirige tout, ils croient qu'il est le créateur, qu'il est n'importe qui. La majorité des gens se disent, oui, il est le créateur. Et lui, c'est lui qui fait pleuvoir. Lui, il est lui qui crée, qui dirige l'univers, c'est lui qui contrôle tout, depuis l'atome jusqu'au plus grand, les galaxies et tout. Il dirige les atomes, il dirige les électrons qui tournent autour des neutrons, autour des protons, il dirige les cellules, les virus, il dirige les corps humains, ce qui se passe dans notre corps, c'est lui qui gère tout. Mais le problème, c'est pas ça, c'est pas seulement ça. Le problème, c'est la soumission. Tu reconnais qu'il te soumet, tu dois te soumettre. C'est pour ça qu'Allah, il dit aux mécréants, quand il leur adresse la parole, quand il leur adresse la parole, leur dit, enfin, il leur demande, qui vous attribue la nourriture des cieux et de la terre. Le meilleur zorakum min as-sama'i wal-ard. Amma yamliku as-sama'a wal-absar. Et qui détient l'ouïe et la vue. Amma yukhruj al-hayya min al-mayt wa yukhruj al-mayta min al-hayy. Qui sort le vivant du mort, le mort du vivant? Qui a dit? Ils diront Allah. Eux, ils vont dire. Dans le verset, ils diront Allah. Les mécréants disent. Et Allah, il leur donne, c'est-à-dire, il les blâme. Et si vous dites Allah, si vous confirmez que je suis le créateur, alors pourquoi vous ne me craignez pas? Pourquoi vous vous soumettez pas? Pourquoi l'affaire est à ta ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله si vous leur demandez qui crée les cieux et la terre, ils diront Allah. Mais le problème, l'adoration. Le problème, nous vers lui. C'est ça le problème. Et quand il s'agit de nous vers lui, à nous de le suivre, là il y a les interdits et le halal ou le haram. Faites ça, ne faites pas ça. Et là les gens, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas obéir. Hein? Donc, il confirme qu'il est le créateur, il croit qu'il est le créateur, il croit qu'il est le seigneur du monde, mais c'est dans l'Uluhiyya dans l'amour, dans le fait de détester pour lui et d'aimer pour lui, dans le fait de se soumettre à lui, dans le fait d'obéir à ses lois, c'est là où se pose le problème. Et c'est là où sont venus les prophètes. Les prophètes, ils sont venus pour cette mission. C'est pas pour leur dire qu'il y a un créateur, qu'il y a Allah, il crée, Allah, Allah, Allah, c'est lui, c'est lui. Ça, ils le confirment, ils le connaissent. Mais l'adoration qui est le problème. Jetez vos lois, jetez vos divinités, jetez vos passions là, jetez vos intérêts économiques et politiques qui se contredisent avec la religion, c'est la religion qui doit être en priorité. Là, c'est là, ils vont dire non. Innam, idha qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun, wa yakuluna a inna la tariku alihatina li sha'ir majnun. Quand vous leur dites la ilaha illallah, ils se gonflent d'orgueil, ils ne veulent pas suivre. Et dans un autre verset, il dit, quand tu dis Allah tout seul, quand tu évoques Allah tout seul, leur cœur se serre. Mais quand tu évoques Allah avec leur divinité, ils se réjouissent. Non, ne dites pas Allah tout seul, non. Dis Allah et Marx, Allah et Einstein, Allah et tel président, Allah et les... Mais Allah tout seul, non. Donc c'est ça le problème, c'est le fait de se soumettre à lui totalement. Donc ça c'est la mission de tous les prophètes. Le prophète il est venu avec la révélation pure, là, avec le wahy min as-sama', il leur a dit voilà, vous soumettez à Allah, vous me soumettez dans tout ce que j'ai fait. Et Allah a dit que le prophète Hassan c'est un modèle pour vous que vous devez suivre. Un modèle, لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, le modèle dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, donc suivre la sunna, tout ce qui est acte du prophète صلى الله عليه وسلم, tout ce qui est confirmation. Quand il sourit, ça veut dire qu'il a confirmé une chose. Les compagnons ont écrit qu'il a souri parce qu'il a confirmé. Ça veut dire qu'il a nié telle chose, on ne doit pas la faire. Donc ils ont écrit. Donc c'est un mec, il est venu, il leur a dit adorer à cela, il nous a montré qu'il a des noms, il a des attributs, il nous a dit qu'il y a le jour dernier, qu'il y a le châtiment, la vie d'enfer et tout. Donc on doit le suivre, on doit prendre de cette source-là. La philosophie grecque qui a sorti les coupables des associateurs de la Mecque et des environs des ténèbres. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le Perse et les Romains, ils étaient les plus civilisés. Pourquoi ils n'ont pas pris la solution d'eux? Pourquoi ils étaient soumis aux Perses et aux Romains? Pourquoi ils n'ont pas pris de leur civilisation, de leur culture? Ils étaient des sages, ils avaient des grands philosophes. Allah, rien du tout. Ce qui les a réveillés, c'est la révélation. C'est le Coran et la Sunna qui a réveillé ces hommes. Ils enterraient leur fille vivante quand il y avait la révélation. Allah a soumis la Perse et les Romains sous leurs pieds. Les trésors sont ouverts sous leurs pieds. Ils ont conquis le monde. L'Andalus, c'est tout ce qui s'en suit. Pourquoi? Parce que cette là, ils avaient une incidence, et elle avait une incidence dans leur cœur, dans leurs actes. Parce que la ilaha illallah, il ne se réduit jamais à une parole. Et ce n'est pas une adhésion verbale, ce n'est pas prononcé. Un milliard de musulmans la prononcent. Ça change quelque chose? Ça change. 314 à Badr, ils ont dit la ilaha illallah, Allah il a fait descendre les anges. Les anges ils sont descendus pour combattre avec eux. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre eux et nous? On l'a dit, on l'a prononcé. Est-ce que c'est la consonance du mot qui a changé? Est-ce qu'il y a la musique, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui a changé? Non. Parce qu'il savait que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, une parole et un acte. Une parole de la bouche, on la prononce. Une parole du cœur, en confirmant qu'il est le créateur et en confirmant qu'il a ses noms et ses attributs. Et que ses noms et ses attributs, ils ont une incidence dans le acte du cœur, c'est-à-dire crainte, amour, vénération, tout ce qui s'en suit. Aimer lui, aimer pour lui et détester pour lui. Acte des membres, jihad et tout ce qui s'en suit. Et quand toutes ces conditions ont été remplies, Allah il a fait descendre les anges. D'accord? Donc c'est cette question de aqidah, de dogme. Quand tu as une base, quand tu as une base vraiment dans la croyance, quand tu confirmes ce qu'ils ont confirmé, quand tu sais ce qu'ils ont su, quand tu appliques ce qu'ils ont appliqué, là tu as une base, là tu as une autre vision sur les choses, là tu vas prolonger ce qu'ils ont fait. D'accord. Donc la source pure, c'était le Coran et la Sunna. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme événement? Il y avait les conflits entre Muawiya et Ali, le chiisme qui est sorti, et les voix se sont commencées à diverger, à se ramifier, et puis il y avait les juifs et les ennemis de l'islam, ceux qui ont déjà changé le christianisme. Comment ils sont venus pour détruire notre religion. D'accord. Quand ils n'ont pas pu atteindre le texte, le Coran, le mot, parce qu'Allah l'a préservé, ils ont cassé, ils sont rentrés par la Sunna pour faire douter les gens de la Sunna. D'accord. Comme disaient certains chiites et tout. Et donc, il y avait des conflits à cause de ça, et les voix se sont ramifiées, et puis le chiisme d'un côté, puis après en Irak, il y avait un Mouachaïr et tout ça s'en suit. Et donc, les voix se sont ramifiées. Et ils ont réalisé ce qu'a dit le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Il a dit que les juifs, les chrétiens sont scindés en 72 sectes. Les musulmans, et cette communauté va se diverger en 73 sectes. 73 sectes, tous des musulmans. Ils font partie de l'islam. Mais quel est cet islam qui est pur, authentique? Hein? Tous en enfer. Ils vont passer en enfer. Ils vont pas s'éterniser en enfer, comme disent les ulama, Imam Shafi'i, Ibn Taymiyyah. Il y a beaucoup de ulama là-dessus. Pas s'éterniser en enfer. Mais qui est ce groupe sauvé? Hein? Sauf une seule. Les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est ce groupe sauvé? Il dit, ma ana alayhi liyaum wa ashab. Ma sunna, suivre ma sunna et suivre les compagnons. Hein? Taraktu fikum amrayn, lam tadillu ma intamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Cela. Donc, c'est suivre le Coran et la sunna. Et le comprendre comme ils l'ont compris les compagnons, comme ils l'ont compris ceux qui les ont suivis dans le bel agir. D'accord? C'est ça le groupe sauvé. Donc nous, pour qu'on soit sauvé, c'est suivre ce qu'ils ont suivi. Et donc, prendre la sunna purifiée de tout ce qui est venu l'empêcher, de toutes les innovations qui sont rentrées. Il y a des gens qui ont fait rentrer des hadiths d'Aïf, des mensonges pour confirmer leur doctrine. Parce que les 73, chacun il a mis une règle et à chaque fois il prend le texte du Coran et il tord le cou du texte du Coran pour qu'il confirme sa doctrine. Nous, non. C'est soumission totale devant le texte et le comprendre comme l'ont compris les compagnons. D'accord? L'islam dont on a besoin. Donc, à la personne de faire l'effort de ne pas tomber dans des groupes comme ça. D'accord. Je vais continuer ce que j'ai fait avant. Et je vais parler de l'association dans l'adoration. Parce qu'on a parlé de l'unicité dans l'adoration à l'ouluhiyya, c'est-à-dire d'adorer Allah unique. Et l'association, on a dit que c'est shirk, c'est égaler quelqu'un avec Allah dans ce qui est propre à Allah. Du moment que tu invoques quelqu'un ou tu adores quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu l'as égalé avec Allah. J'ai dit, l'association dans l'adoration, c'est le fait d'adorer en dehors d'Allah quelqu'un en l'invoquant ou en l'aimant avec ou plus qu'on aime Allah ou en l'obéissant dans la désobéissance d'Allah, etc. Donc, on distingue l'association relative à l'invocation. L'association relative à l'invocation, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah. Bon, ça, on a fait pas mal de cours là-dessus. On a fait pas mal de cours en ce qui concerne l'association relative à l'invocation. Il y a un hadith de Na'man ibn Bashir. Hadith de Na'man ibn Bashir, qu'Allah l'agréé, radiallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'il était sur le minbar, L'invocation, c'est l'adoration. Puis il dit, invoquez-moi que je vous exauce. Ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la djinnah. Donc, l'invocation égale adoration. N'invoquez personne en dehors d'Allah. Si vous trouvez quelqu'un d'autre. Donc, l'invocation doit être dirigée directement vers Allah. Alors, on a fait un cours. À plusieurs pages, de toute façon, on va le distribuer après, Inch'Allah, un long cours sur l'invocation, sur l'association dans l'invocation. Mais je résume et je dis, en effet, celui qui invoque un autre qu'Allah, c'est un associateur qui contredit les paroles suivantes. Allah a dit, « Dis, c'est Allah que j'adore en lui rendant un culte pur. Et que celui qui invoque les morts, qu'il soit prophète, ou gens vertueux, ou ali, ou autre, médite sur les versets coraniques suivants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre, et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Il menace les rites comme il faut et tout. Et après, il va tout détruire en allant à la tombe du prophète. Il dit, oh prophète, donne-moi. Une association pareille, il écroule ce qu'il a fait. À quoi ça sert de prendre l'avion, d'acheter les billets, de faire les adieux aux gens et tout. Il croit bien faire et tout. Et à fin de compte, il écroule ce qu'il a fait. Il écroule. ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الله يقول قفت si tu donnes des associés ton œuvre sera vaine. Il s'écroule. Il n'a aucune importance. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Il n'a aucune chance, c'est pour ça. La question, est-ce qu'il est pardonné parce qu'il est ignorant? Il y a des ulama qui disent, il n'est pas pardonné. Dans l'invocation des temples, il y a certaines formes d'association où on peut pardonner la personne. Mais il y a des choses, ils disent, il n'est pas pardonné. Attention, il n'est pas pardonné, surtout maintenant, s'il vit ici, à Paris, ou là, il y a les livres, il y a le numéro de téléphone, il peut demander. S'il tombe dans l'association, il n'est pas pardonné parce qu'il y a la science, il y a qui demander. Il n'habite pas en Alaska. Et là-bas, il ne pardonne pas. Celui qui habite en Alaska, il ne pardonne pas déjà. Même s'il n'a pas de révélation, il n'y a rien. Du moment où il est associé, tu ne vas pas dire qu'il est musulman. Et quand il est associé avec Allah, tu vas dire qu'il est musulman? Non. Même s'il dit là, il est là, il fait le contraire par là. Ça, c'est l'association relative à l'invocation. On en a parlé. Donc ça, c'est tout ce qui est association sous le titre de association de l'adoration. Deuxième sorte d'association, c'est l'association relative à l'amour. L'amour aussi, on peut associer. On peut associer dans l'amour, on peut associer. Personne n'est au courant de ça. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit dans la définition de ce genre d'association, l'association avec Allah dans l'amour et la vénération, c'est d'aimer une créature comme on aime Allah. Allah ne pardonne pas ce genre d'association. Il ne le pardonne pas. Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Allah, il dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force toute entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قد الله يزيبون عليكم السلام كي لزم كم ils aiment Allah. hein, comme on aime Allah. Donc le fait de d'aimer une créature comme on aime Allah, c'est une sorte d'association. C'est une sorte d'association. Il continue, je continue la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et ces associateurs vont dire à leurs idoles, quand la géhenne les rassemblera, c'est-à-dire l'enfer les rassemblera, par Allah, nous étions certes dans un égarement manifeste, quand nous vous égalions au Seigneur de l'univers. Suivez-moi bien. Vous êtes fatigués, je vois. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous vous égalions au Seigneur de l'univers. Et il est évident qu'ils ne les ont égalés à lui, exalté soit-il, ni dans la création, ni dans l'attribution de la nourriture, rizq, ni dans le fait de donner la vie ou la mort, ni dans la royauté, ni dans la puissance, al-qudra, mais ils les ont égalés à lui dans l'amour et l'adoration et l'humilité. Livre Al-Jawab al-Kafi, page 195, Ibn al-Qayyim. Donc ils les ont égalés, ils ne les ont pas égalés dans la création, ils n'ont pas dit que telle star de télé ou tel idol, il a créé les cieux et la terre. Non, non, ils les ont égalés dans l'amour et dans la vénération. C'est-à-dire ils ont aimé ces idoles-là comme ils aiment Allah, ou plus qu'ils aiment Allah, comme ils aiment Allah. Et donc cet amour, c'est une forme d'association. Et je vais éclaircir là-dessus. C'est un amour mélangé avec l'humilité, avec la vénération. D'accord? Il y a des gens qui adorent, une créature comme ça, ils l'adorent puisqu'il aime Allah. Non, pas la vie. Ne parlons pas de la vie. Non, ça c'est autre chose. Il aime la personne, la créature, l'idole, la star. Quand il la voit, il pleure. Il a les photos partout chez lui. Il la vénère. Oui, voilà. Ça c'est une sorte d'association dans l'amour. D'accord. Moi, j'ai sorti un autre hadith qui va un peu... Selon Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois caractéristiques, celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois caractéristiques, s'il les remplit la personne, il va sentir vraiment le halawa al-iman, la valeur de la foi, la douceur de la foi. Premièrement, qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. Il aime Allah, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus cher que tout le reste. Plus cher. Deuxième chose, qu'il aime quelqu'un et qu'il ne l'aime que pour Allah. Il y a une différence entre aimer avec, sans association, et aimer pour. J'aime celui-là parce que je sais, j'aime cette personne parce qu'il fait jihad bisabillah, parce qu'il bouge, il fait da'wah. Je l'aime parce que je le vois toujours en train de faire la prière, parce qu'il il applique les lois d'Allah. J'aime pour Allah. Ma propre femme, je l'aime parce qu'elle m'aide à faire qiyam al-layl, parce qu'elle m'aide à être fort, à me contrôler et à obéir à Allah. Ça, c'est une forme. Ça, c'est aimer pour Allah, c'est pas aimer Allah. C'est pas aimer avec Allah, sa forme. Donc ça c'est la deuxième caractéristique. La troisième, qu'il répugne. Alors la deuxième, qu'est-ce qu'elle montre? La deuxième, elle montre le wala, l'alliance. L'alliance pour Allah. Le prophète quand il est venu, et ça c'est une chose que vous devez connaître. Il est venu pour partager. Il est venu pour diviser. Al-Fariq fasda. Pour séparer. Ils lui ont dit, voilà, celui-là est kafir, celui-là est mécréant, celui-là il est musulman. Celui-là va aller, s'il reste comme ça, il va aller en enfer, et celui-là est au paradis. Il a séparé. Il y avait le wala pour l'imam. Et il a sein de la foi, il a réuni au sein de l'islam. Il a partagé, il a dit celui-là il est hypocrite, celui-là il est ça, celui-là il est mécréant, celui-là juif, celui-là chrétien, celui-là, et celui-là il est musulman. Et les musulmans, il les a réunis pour une seule religion, pour un seul principe. C'est Tawhid Allah. Donc il est venu sept ans. Al-Farq, Esda, sept ans. Sada. D'accord. Donc le voilà aimé pour Allah. Et détester les autres. Détester par le cœur. Les détester. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. La haine. Le comportement, il est différent. Le fait de se comporter avec lui, de lui faire da'wah, oui. Se comporter avec lui. De le détester, c'est ça ce que demande Allah. D'accord? Donc, aimer et détester pour Allah. Donc, alliance, le wala. Et si on va, c'est-à-dire le contexte plus large, l'alliance doit être une alliance sociale, doit être une alliance intellectuelle aussi. Une alliance intellectuelle. Le prophète, quand il est venu, il les a purifiés. Il a sorti de leur cœur tout ce qui est paganisme, tout ce qui est jahiliya. Et même leur nom, il a changé leur nom. Quand il parle à quelqu'un, il dit quel est ton nom, il dit mon nom est tel, et qu'il sait que son nom il est mauvais, il lui change le nom. Si son nom il s'appelle difficile, il l'appelle facile. Il change. S'ils disent des mots dans le jahiliya, ils disent non, non, jetez ce mot, utilisez ce mot. Donc intellectuel. Pas de, on n'utilise pas les paroles des coufres. Le Coran, ils nous ont touché avec leur intellect et tout. Pas de mot fanatisme, pas d'intégrisme, pas de terrorisme. Parce qu'ils l'ont mis dans leur propre dictionnaire. Maintenant, ils commencent à propager leurs mots. Moi aussi, j'utilise ces mots. Non, non, moi, c'est l'alliance intellectuelle. Et c'est ça qui a cassé la communauté musulmane. Et ils l'ont cassé avant, parce qu'ils ont hérité de la philosophie grecque, et ils ont juxtaposé la philosophie grecque sur le dogme pur, sur la croyance pure, sur la révélation. Et ça a cassé sa pyramide. Oui. Mais moi, je les utilise pas. Moi, c'est tawhid, c'est aqida, c'est le wala al-bara. J'utilise ces mots-là. Même vous, en français, quand vous dites un mot, quand vous dites association, enlevez le mot association, mettez shirk. Quand vous dites inicité, enlevez inicité, mettez tawhid. Utilisez ces mots, utilisez ce langage. Le prophète, quand il est venu, il a même le langage. Le mot kofar, il y avait une autre signification. C'est-à-dire, il a donné une autre signification, il a ajouté une autre signification, qui est la signification du Coran et de la Sunna, Sharia. Donc, même le langage, il a changé. Et donc, c'est pour ça que la sagesse, il est sortie, ils ont utilisé un autre langage, ils ont utilisé le langage pur, qui est celui des cieux. Pas le langage qui sort des résultats de réflexion d'être, de ce qui est psychologie, psychanalyse, hein. Mettez plutôt crainte du cœur, vénération du cœur. Les mots qui les touchent, l'incidence que doit avoir le dogme, la croyance en Allah sur nos cœurs. Donc déjà ça c'est une sorte d'adoration. J'utilise pas ces mots-là. C'est pas parce que tel monsieur dans la télé les a utilisés que je vais les utiliser. Je me désavoue de lui. Je le montre que je me désavoue de lui comme je peux. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'il aime quelqu'un et qu'il ne l'aime que pour Allah. Alliance. D'accord? Alliance. Un musulman, il dit la ilaha Muhammad Rasulullah et je sais qu'il est musulman et alliance avec lui. Je ne vais pas le vendre pour un cœur. S'ils me disent dans les informations qu'ils ont fait ça, qu'ils ont fait de la barbarie, tout, non, je ne crois pas. Je ne vous crois pas, je ne prends pas d'informations de vous. Déjà Allah il a dit, ne prenez pas d'informations des musulmans qui sont déjà un parmi les musulmans il est venu avec une information, mais il faut que vous soyez sûr de cette information si cette personne il est un peu dans la perversion. Mais alors le mécréant il faut faire attention 100% à ce qu'il dit. D'accord? Ça c'est une sorte de wala, shabkullah. Pourquoi ça? Parce que j'aime Allah et j'aime les créatures, j'aime ceux qui aiment Allah. D'accord? Et je me désavoue des autres. Et le comportement, c'est autre chose. La façon de leur parler, de leur faire da'wah, c'est autre chose. De les débattre, c'est autre chose. Ça obéit à des règles qui sont dans le Coran et la Sunna. D'accord? Alors, n'utilisez pas cette terme. Troisième chose. Qu'il répugne. C'est un qu'il lui répugne de retourner à la mécréance vers l'albara. Ah, il a dit qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté au feu. Je vais expliquer le hadith. Le hadith, il est authentique et il est rapporté par un musulman. En effet, l'amour du prophète sallam et l'amour d'autrui, parce que ce dernier aime Allah, font partie de l'amour d'Allah. Et bien entendu, quand la personne est vraiment sincère dans son amour envers Allah, il devrait punir la chose. Quelle est la chose la plus détestable par Allah? La méfiance. D'accord. Et donc cette personne qui aime Allah, regarde ce qui est évoqué dans le hadith, parce que le hadith, on peut sortir beaucoup de choses. Un hadith comme ça, il y a des pages écrites là-dessus. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance. Pourquoi? Parce qu'Allah, il déteste la mécréance. Donc, il déteste ce que déteste Allah. Il aime ce qu'aime Allah. Il déteste ce que déteste Allah. D'accord? Après qu'Allah lui a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté au feu. J'explique ce troisième. C'est-à-dire, si on lui donne le choix de se jeter au feu ou de devenir mécréant, il va choisir le fait de se jeter au feu. Et quand il arrive à cette étape, l'amour il est envers Allah, il est supérieur. Pourquoi? Parce qu'il donne lui-même. Il se donne lui-même. D'accord? Il y a une histoire, mais une grande histoire là-dessus, sur une série qu'a envoyé Omar radiallahu anhu. Il y avait un à qui on lui a demandé de changer de religion, sinon on le tue. Il a refusé. Puis ils l'ont connu, c'était comme ça attaché, puis ils ont appelé les gens sur le feu, ils tuent les. Et à chaque fois, il me dit, c'est-à-dire, change de religion. Il veut qu'il tombe dans la mécréance, oui, il veut pas. Puis après, ils lui ont ramené des gens, des musulmans, ils les ont mis dans un qadr, qu'on appelle, je sais pas, un grand jar, plein de liquide, très chaud. Puis après, quand il a vu ça, il a commencé à pleurer. Puis les soldats, ils ont dit à leur chef, ils ont commencé à pleurer, peut-être qu'il s'est retourné. Qu'il a changé d'avis, peut-être. Puis quand il l'a ramené, il a dit, je me suis senti, quand j'ai vu mon frère le mettre dans le feu, là, je veux qu'une seule âme va tomber dans le feu. Une seule âme va être donnée pour Allah. Que je suis une seule âme et qui va être donnée à Allah. Mais moi, je veux que ça, chaque poil de mon corps, une âme qui se brûle pour Allah, qui se donne pour Allah. Je veux que chaque poil forme une âme qui se donne pour Allah. Tu te rends compte? Ça, c'est quand il a le choix entre la mécréance et le feu, il choisira le feu. Parce qu'il aurait pu, que les pièces sont Al-Hubbu wal-Burdu fillah, Al-Wala wal-Bara. Et comme j'ai dit, il faut que vous ayez le désouvrement socialement, parce qu'on vit avec les mécréants, pour se comporter comment. Mais au moins intellectuel, ne prenez pas leurs idées, ne prenez pas les mots qu'ils utilisent, ne prenez pas parce que eux ils vous aiment pas. Qui nous aime pas? Revenez au courant. C'est là où vous cherchez. Pas d'historien ou vous voulez avoir une vision sur les choses, vous voulez avoir une vision de ce que complotent les kuffars, vous voulez les avoir, retournez au Coran. Ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Al-Imran. Ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ الشخص نقاش بإذن vous musulmans vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas et vous avez la foi dans le livre tout entier et lorsqu'ils vous rencontrent ils disent nous croyons et une fois seul de rage contre vous ils se mordent des bouts des doigts. Dites, vous mourrez de votre âge, en vérité Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Donc, si vous voulez aimer, eux, ils vous aiment. Il y a beaucoup de versets. وَكَثِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Ils veulent vous rendre mécréants par jalousie. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Ils veulent que vous deveniez mécréants comme eux, ils sont mécréants pour que vous soyez égaux. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Les associateurs et les coupables des gens du livre, ils ne veulent pas que du bien descende sur vous, que vous bénéficiez d'un peu de bien. خلاص ولا وبرا. Parce que si il a sa aqida, parce que lui, s'il te connaît, s'il sait que tu es musulman, il va te baisser, te déteste, il va te respecter parce que t'es solide, tu tiens pas, tu tiens sur tes pieds, tu obéis pas, tu suis pas le courant de la mode, les films, les affiches, et toi tu cours, ah il y a ce film là de ce mois-ci, ah la mode, ah ce pantalon, il est beau, ce jean, ah ces chaussures, et tu suis le courant, c'est ça d'adoration. Donc aimer Allah son prophète, deuxième, aimer quelqu'un, c'est le wala pour Allah, troisième, il déteste Allah, Allah il déteste la mécréance. S'il a le choix entre la mécréance et le feu, il choisira le feu. Et donc, bon, ça c'est la deuxième forme d'association, qui est l'association relative à l'amour. L'association relative à l'intention. Ça, on a parlé de ça. Mais je vais résumer tout. J'ai dit là, tout homme sur cette terre a deux choix. Ou bien il choisit Allah et le jour dernier et le bonheur éternel, ou bien il choisit la vie de ce bas monde avec sa parure et sa douceur au point qu'elle soit un rêve et qu'elle soit son rêve et son objectif qu'il s'efforce d'atteindre. Allah a dit, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Il a le choix. Il est créé pour ça, il a le choix sur cette terre. Les anges, ils n'ont pas le choix. Ceux qui sont prosternés, ils sont prosternés. Ceux qui... Chacun, la ya'asoun Allah ama amarahum, la ya'asoun Allah ama amarahum, fa'aduna ma ya'umarahum. Non. Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Les animaux, ils ne désobéissent pas. Ils s'abbihoun. وَلَكِنْ لَا تَوَئِمِّ شَيْءٍ إِلَّا يَسَبِّهُ بِحَمْدِي وَلَكِنْ لَا تَتَّهُونَ تَسْبِحَهُ. Vous ne pouvez pas comprendre comment il invoque Allah, comment il... Ne cherchez pas d'avoir de mettre, je ne sais pas quel matériel pour pour essayer de connaître cet aspect. Là, ça se passe où vous arrivez. C'est des chants d'oiseaux, là, ou ouais. C'est des chants d'oiseaux, c'est des oui, déjà, je vais ajouter, tu... Je te rappelle. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est traduisible en arabe, ils disent par exemple que l'être humain, haywan natak. L'être humain, c'est un animal qui parle. Donc pas de darwinisme, pas de Freud, pas de... On jette ça, on a le Coran. Il a dit qu'il parle, il parle. Voilà. Donc, je dis que la personne est dans le choix. Il a la liberté. إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. إلى لسوا كي فو لافي فا كي فو الله فوالا سيت بو إلي دور كي فو تسوميتر كي فو فار جهاد بو جهاد النفس انتيريور اكستيريور بو لاتاندر. En fait, parce qu'en fait, le corps de l'homme ne se vide jamais de la volonté ni de l'amour. S'il ne dirige pas cette volonté vers Allah, forcément il va la diriger vers autrui. Et celui qui n'est pas adorateur d'Allah, il est forcément adorateur d'autrui. On ne peut pas, le cœur ne se vide jamais, il est toujours sensible. Et Ibn Taymiyyah, celui qui par orgueil se refuse à adorer Allah, est obligé d'adorer autre qu'Allah parce que l'être humain est sensible et il réagit par la volonté. Kitab al-Ubudiyyah, Ibn Taymiyyah, page 32. Nous avons le ulama, on n'a pas besoin de psychologue ou quiconque. C'est pour cela qu'on trouve fréquemment dans le Coran, dans un même verset, une comparaison entre croyance en Allah et au jour dernier et la préférence de la vie présente avec sa parure qui sont deux pôles opposés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé celui qui se dévoue exclusivement dans son amour de l'argent un adorateur du dirham et du dinar. Et que la personne aime l'argent jusqu'à atteindre le degré où il est adorateur. abd, Ubudiya, sahiha. Une vraie adoration. Il adore vraiment. C'est pas, mais c'est pas il adore, c'est-à-dire il met le pascal comme ça et se prosterne devant l'argent, non. Mais il adore, c'est-à-dire il aime pour cet argent et il déteste pour cet argent. Voilà, pour cet argent. Et donc, les ulama ils disent, Ubudiya khatsa. Le prophète, il a dit, Ta'isa abdu dinar, malheur à l'esclave du dinar. L'esclave, c'est pas bon comme, c'est pas une traduction qui touche le cœur. Le prophète, il a dit, abd, soumission de dinar. Il est abd, il adore le dinar, il l'adore, adoration. Comme celui qui dit, tu tues ta mère pour de l'argent. Oui, oui. Malheur à l'esclave, adorateur du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Si on lui en donne, il est content. Et si on ne lui en donne pas, il est mécontent. Rapporté par Al-Bukhari. Il y a des gens, il aime les vêtements, il aime le luxe. Devant le miroir, il est 2 heures devant le miroir. Il ne peut pas... Et puis s'il est dépassé par la mode, il va avoir mal. Hein. L'adoration totale. Malheur. Pourquoi malheur? Pourquoi Ta'isa Abdoudina? Pourquoi malheur? Pourquoi malheur? Pourquoi malheur? Malheur à l'adorateur. Malheur à l'adorateur du dinar. Malheur à Ta'isa Abdoudina, Ta'isa Abdoudina, Ta'isa Abdoul Khamila, Ta'isa Abdoul Khamisa. Autre chose aussi. C'est quoi? Parce qu'il a contredit sa prime nature. Il est créé pour adorer. D'accord? Et donc, il va chercher de combler cette partie du cœur qui ne doit être que vers Allah, l'Ubudiya, wa irada wa mahabba lillah. Il va chercher de la combler avec des plaisirs, avec de l'argent, avec l'amour des vêtements, avec. Mais il ne va pas trouver. Avec les millions, rien. Il a les millions, il y a les femmes de luxe devant lui, et Saint Laurent qui se concentre, et pourtant il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de son cœur qu'il doit adresser à Allah. Allah, il a créé comme ça, par toute nature. Même il a eu le droit. Chaque personne, il est né pour adorer Allah. Il est né. Il va se combler avec les vêtements, avec le pascal, les millions de dollars, les transactions et tout, les combinés. Mais il ne remplit pas. Il va chercher à vibrer, à avoir une dose d'adrénaline, à faire des cascades pour que ce cœur vibre. Pourquoi? Parce qu'il est vide d'une partie. Et cette partie, il ne la comble pas qu'avec la soumission d'Allah. D'accord? Tu te rends compte que le fait de mettre ça, de te prosterner, c'est pas donné à tout le monde. Allah, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que le salaf, je ne sais pas s'il y a trouvé à Abu Bakr ou Allah A'lam, ils disent nous sommes dans un bonheur que si les rois connaissent ce bonheur, ils vont nous combattre pour l'avoir avec les épées. Ils mettent la pierre ici. À cause de la faim et tout. Et ils vivent le bonheur. T'as vu? Quel est ce bonheur? Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un bonheur qui est égal, par exemple, quelqu'un qui se lève le dernier tiers de la nuit et qui a la conviction qu'Allah, il descend vraiment. Et lui, il s'adresse à lui. Ça, personne ne peut le toucher. Ce bonheur-là, c'est le comble de bonheur. Et donc, nous, quand on fait des péchés, on est privé de son bonheur. Et c'est pour ça que les salafs, ils ont pitié. Donc, ils disent, ils cherchent un bonheur et ils sont guéris. C'est pas les salafs, c'est pas seulement. C'est tous ceux qui les ont suivis dans le Belagir, tous ceux qui les ont suivis. Donc, ils sont bonheur, de là. Mais c'est une minorité. Et les autres, ils cherchent à. Ils remplissent le ventre, le ventre se gonfle, mais le bonheur, il n'est pas là. Ils cherchent le goût, là. Ils cherchent des thérapies, ils cherchent de la gastronomie, quelque chose qui comble ce bonheur, et ce bonheur ne se comble pas, parce qu'il faut qu'il l'adresse à Allah pour qu'il soit comblé. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement sur leurs actions sur cette terre, sans que rien leur en soit diminué. ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici. Celui qui vit ici-bas, Allah va lui rétribuer exactement ce qu'il a œuvré, ce qu'il a aimé le jour dernier, il n'aura rien. Pourquoi? Parce que cette intention, il l'a dirigée à autre chose. À celui, lecteur du Coran, qui veut la célébrité, il veut qu'il soit à la télé et tout. Pas pour un lecteur du Coran. Un, le premier va alimenter l'enfer et l'autre va être parmi les meilleurs des gens du paradis. Un moujahid, il aura la couronne de l'Waqar et l'effet autour de lui et tout. Il y a un autre moujahid qui va être le premier à alimenter le feu. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça pour qu'on dise de lui qu'il est courageux, il est fort, et la personne qui donne l'argent pour avoir un moujahid. Donc c'est une grande différence. C'est l'intention qui fait. J'ai ajouté une chose, c'est qu'il faut préciser à cette occasion ce qu'il faut faire la différence entre l'association relative à l'intention, niya, shirk, niya, al-irada, qui aboutit à l'association majeure, shirk, akbar. Je dis association majeure, Shirk Akbar, vous enlevez association majeure et vous mettez Shirk Akbar, vous utilisez le mot Shirk Akbar. Association majeure et l'enfer éternel, et l'association mineure, ça veut dire faire la différence entre l'association majeure, Shirk Akbar, et l'association mineure, Shirk Asraf, il faut faire la différence. Parce que l'association mineure, Shirk Asraf, il implique une annulation de l'acte, sans faire sortir la personne de l'islam. Il y a différence entre quelqu'un qui fait une œuvre des autres pour la dunya, pour les gens, et une personne qui fait ça pour Allah, mais des fois il essaie d'embellir ce qu'il a fait pour les gens et tout. C'est-à-dire, il fait l'acte pour Allah, mais des fois il essaie de le décorer parce qu'il y a les gens qui le regardent. Et, d'accord? Explicité. Et la règle qui fait la différence entre Shirk Akbar et Shirk Asrar dans l'intention, c'est de voir quoi? C'est qu'on doit regarder l'intention et l'origine de l'acte. L'intention, si l'œuvre est accomplie par amour absolu pour ce monde, elle sera un acte d'association contradictoire à l'unicité pure. Si cet acte il est fait pour la dunya. Pour la dunya. J'ai donné l'argent pour avoir un poste politique ou pour avoir un certain privilège. Ça, c'est pour la dunya. Allah te t'a donné le monde, mais tu l'as fait pour avoir une situation meilleure, pour que les gens disent de toi que tu es généreux, ça c'est chèque. Mais si la personne accomplit l'œuvre cherchant l'agrément d'Allah et son amour, mais cette œuvre a été touchée par le désir de se faire remarquer, ou toute autre cause d'ostentation, ce sera une forme d'association mineure. Et c'est ce chèque que le prophète sallam a craint le plus pour sa communauté. D'accord? Donc là, il est pour la dunya, ça c'est l'association. Comme celui qui fait le djihad, pour qu'il dise de lui qu'il est fort, il est pas pour Allah. Donc ça c'est de l'association, c'est contradictoire à l'unicité pure. Mais, des fois tu fais un acte pour Allah, cherchant l'agrément d'Allah, cherchant l'amour d'Allah, mais dans cet acte lui-même, il est touché des fois par le désir de se faire apparaître. C'est-à-dire, j'ai donné le monde pour Allah, mais enfin, j'ai donné plus, il y a des gens autour de moi et tout. Et j'avais un sentiment que je fais plaire aux gens et tout. T'as vu? Il y a des choses comme ça. Et là, le prophète va bien nous expliquer cela. Ibn Khuzaymah rapporte dans son Sahih, d'après Muhammad ibn Labid, le messager d'Allah a dit, ô homme, méfiez-vous du shirk secret, c'est-à-dire shirk al-sara'ir, de l'association secrète. Les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu, ô messager d'Allah, demanda-t-on, qu'est-ce que le shirk secret? Qu'est-ce que ça veut dire l'association secrète? Et le prophète sallam doit répondre, l'homme se lève, prie et exécute parfaitement sa prière lorsqu'il voit un homme le regarder. Voilà le chef secret. C'est-à-dire qu'il essaie de parfaire sa prière parce qu'il y a des gens autour de lui qui regardent. Ils disent, voilà, moi je suis un bon salafi et tout. J'ai prolongé la prière plus que la normale parce qu'ils le voient et qu'ils vont dire à cette personne, mashallah et tout. Donc l'acte, il est pour Allah, mais il est entaché par ça. ça peut rabaisser l'acte. Et ça peut aller jusqu'à laminer. Mais ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Il n'est pas associé. Zayd ibn Aws rapporte un autre hadith là. Au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions l'ostentation en tant que shirk mineur. Donc Riyad, c'est la petite, parce qu'il y a la grande association et la petite association. Et ce hadith, il est rapporté par Tabarani et par Al-Hakim et il est authentifié par Cheikh Al-Albani. Abu Ya'la et Ibn un autre hadith, Abu Ya'la et Ibn al-Mundir rapportent, d'après Abu Bakr, radiallahu anhu, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shirk est plus imperceptible que la marche des fourmis. Il est Ta'lim Dabi bin Namla. Le shirk ou bien dit, l'homme a khtami. Non, les pas de fourmis, on ne peut pas l'entendre. Là, Abu Bakr, il a dit, messager d'Allah, le shirk, n'est-il pas l'adoration d'un autre qu'Allah ou l'invocation d'un autre Allah, d'un autre avec Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit que ta mère te perde, c'est une expression qu'utilisent les arabes, tchakiletka omuk. Les arabes, ils le disent, c'est-à-dire qu'ils te perdent, ils te délaissent et tout. C'est-à-dire pour toucher quoi, sa conscience, pour vraiment te dire, lui dire, il faut faire attention. Il a dit que ta mère te perde, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shirk est plus imperceptible que la marche des fourmis. Ibn Baz a dit hadith authentique. Donc, il est plus imperceptible. On peut pas, c'est-à-dire, la personne doit toujours faire attention. Donc, finalement, beaucoup d'anciens savants, salaf, ont dit que personne n'est à l'abri du shirk mineur. Personne n'est à l'abri de l'association mineure. Donc, à l'adorateur de lutter quotidiennement pour purifier ses actes de toutes les sortes d'associations qui les entachent, à savoir le fait d'embellir sa prière pour faire plaire aux autres, ou toute forme d'ostentation pour remplir la première condition de l'acceptation de l'acte qui est la sincérité. Quelle est la deuxième condition de l'acceptation de l'acte? La première, c'est la sincérité, la deuxième, en ce qui concerne le shirk, l'irada wa niyya. Ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire toujours la personne, il est dans la lutte pour purifier cet acte. Que tu sois un savant, t'es un savant, t'as des centaines, puis après t'as des milliers devant toi. Là, tu peux, intérieurement, tu peux être touché par la fierté et tout. Ça, c'est des choses qui entachent l'acte. Tu fais le jihad, tu sais pas si tu l'as fait pour Allah ou si par vengeance, parce qu'ils ont tué ta famille ou parce que tu veux rentrer dans cette ville et prendre l'or et prendre l'argent et tout. Est-ce que ça peut entacher ces... Il y a des choses comme ça. Il y a une histoire où il y en avait un qui voulait, comment dire, vous casser, puis après il a mis une tour. Oui, ou pour autre chose. Voilà, je sais pas, je connais cette histoire. Mais ce qui m'a empêché de le dire, c'est que je doute de l'authenticité. Le jour où je demande un savant, il dit que cette histoire elle est authentique, je vous la donne. L'acte, il est sincère. L'acte doit être sincère, il doit être toujours purifié de tout ce qu'il empêche. Ostentation, désirer de se faire montrer devant lui. Ça touche tout le monde. Quand les sahaba l'ont dit, ils ont peur de ça. Quand les compagnons ils disent que si Allah il accepte deux rak'at, il accepte pur, je vais attendre la mort comme la mariée qui attend son bien-aimé. Alors, ils sont toujours, comme Ibn al-Qayyim il a dit, que ça c'est bahrun la sahilala, que c'est une mer sans plage, sans limite. Tu peux pas te contrôler vraiment, parce que tu sais pas qu'il est purifié pour Allah. Il est rare. Toujours il y a quelque chose qui le touche. Toujours il est entaché, toujours. Donc c'était quatrièmement, association de l'adoration, on a parlé de l'association de l'invocation, petit A, association de l'invocation, petit B, association de l'amour, petit C, association dans l'intention, et petit D, association dans l'obéissance. Et ça, c'est un sujet fort. Ça, c'est... Il est récent, ce sujet. Il y a beaucoup de... qui parlent de ça.